Bienvenue dans cette nouvelle série de prédications de carême. Nous voulons, pendant ce cycle de carême, prêcher sur sept clés pour une vie renouvelée. Alors, si vous n'avez jamais été tenté de reprendre une deuxième part de tarte au sucre et au pacane après un repas déjà bien fourni, si vous n'avez jamais piqué un coup de sang derrière un automobiliste qui conduisait à 20 à l'heure sur une route dégagée, après l'avoir accusé à tort d'être une automobiliste, si vous n'avez jamais été envieux de la réussite d'une connaissance dont vous ne savez même pas pourquoi vous êtes jaloux, si vous n'avez jamais désiré amasser encore un petit peu plus d'argent, rien qu'un tout petit peu, juste histoire d'en avoir un tout petit peu plus, si vous n'avez jamais préféré rester devant votre TV à écouter Game of Thrones ou bien Downton Abbey plutôt que d'aller au groupe de prière du mercredi soir, alors désolé, vous n'allez pas être très intéressé par notre série de prédications de carême. Vous êtes parfait, ou presque. Mais dans ce cas, invitez vos amis à nous rejoindre, à venir écouter nos prédications, tous les imparfaits qui vous entourent, cela leur fera le plus grand bien. Pour ma part, et je pense la plupart d'entre nous, je suis un de ces experts des péchés capitaux, et j'en suis pratiquant de longue date. Et j'ai eu l'occasion, et certains parmi vous peut-être plus encore, de les tester en long, en large et en travers. Alors notre série de prédications, elle a pour but de nous fournir un manuel de libération intérieure, un manuel de libération intérieure, un trousseau de 7 clés pour nous libérer des 7 chaînes qui foncièrement entravent notre liberté. Ce sont les péchés capitaux. Oui, c'est une entrave. Nous l'avons entendu dans la lettre que saint Paul nous a livrée en deuxième lecture. C'est dans l'esprit que Jésus est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Oui, ces péchés-là nous rendent captifs. 7 clés pour 7 chaînes. Une occasion qui nous est offerte cette année de retrouver une vie libérée. Libérée de l'orgueil, de la gourmandise, de la luxure, de l'avarice, de la jalousie, de la colère et de la paresse. Rien que ça. Ces péchés, s'ils sont capitaux, c'est parce que les chaînes qu'ils sont, si on tire dessus, elles risquent de tirer des tas d'autres petites chaînes. Ils sont capitaux parce qu'ils ouvrent à plein d'autres péchés. Et si on atteint la capoute, la tête, alors on atteint des tas de petits autres défauts ou péchés ou erreurs de nos vies. Et ce soir, nous voulons commencer par le capital des péchés capitaux, qui est l'orgueil. L'orgueil. La première chaîne. Cette chaîne qui nous empêche de nous aimer comme nous devrions nous aimer. De nous aimer à notre juste place. De nous aimer comme nous sommes. Dans le temps où nous sommes, dans les relations que nous avons tissées avec l'être entier, l'âme que nous sommes, avec notre corps tout entier. Accepter d'avoir notre juste place. L'orgueil, lui, c'est un amour désordonné de nous-mêmes. On s'aime, mais de manière désordonnée. C'est pas tout à fait juste. Il y a 2 symptômes pour identifier cet orgueil dans nos vies. Vivre pour soi et vivre par soi. Vivre pour soi, on l'identifie assez facilement, c'est ce qu'on appelle communément l'égoïsme. C'est un symptôme de l'orgueil. C'est celui qui n'aime pas l'autre, finalement. Il s'aime soi-même, ou s'il aime l'autre, c'est pour ce que l'autre lui apporte. On aime l'autre pour ce qu'il nous apporte à soi-même, à nous-mêmes. Cela m'a fait penser à une réplique que j'ai retrouvée récemment dans un grand classique que je ne manquais pas d'écouter chaque année à la TV quand il passait. C'était La Grande Vadrouille, un vieux comique français des années 70. Alors souvenez-vous, il y a une réplique dans ce film entre Bourvil et De Funès qui viennent d'être faits prisonniers par des Allemands. Bourvil affirme, « Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent, me torturer, je ne parlerai pas. » « Moi aussi, » renchérit de Funès. « Vous aussi ?» s'interroge Bourvil, touché par cette solidarité soudaine. « Oui, » explique de Funès, « ils pourront vous faire tout ce qu'ils voudront, ils pourront vous torturer, je ne parlerai pas. » Voilà le défaut d'un égoïste qui aime les autres pour ce qui pourrait lui apporter. Il est complètement détourné de l'intérêt de l'autre. Cet égoïsme qui veut nous mettre au centre de tout, au centre des discussions, au centre de toutes les relations. Oui, nous devons reconnaître que nous sommes atteints par cela. Certainement pour des raisons, des blessures passées, des raisons liées à l'éducation, beaucoup de raisons peuvent expliquer cela, mais nous devons constater aussi que nous nous complaisons parfois là-dedans. Alors je vous propose un petit test quotidien de niveau d'égoïsme. On peut le faire quelquefois, on va vite s'apercevoir qu'il y a quelque chose à travailler. À quoi est-ce que je pense, ou plutôt à qui est-ce que je pense en premier le matin quand je me lève? À moi, à mes amis, à ceux qui sont confiés à ma prière et qui ont tant besoin d'aide, à mon conjoint, à mes enfants, à Dieu. Interrogez-vous demain matin au lever du lit. Vous verrez bien. Ça, c'était le premier symptôme de la maladie de l'orgueil. Il y en a un deuxième, qui est peut-être plus insidieux. Ce n'est plus seulement vivre pour soi, mais c'est vivre par soi. L'indépendance. C'est croire qu'on va y arriver tout seul, qu'on est la source, finalement, de l'être. Cela se traduit par la volonté de tout maîtriser, tout contrôler. On vit par soi. En refusant toute dépendance des autres, on maîtrise son existence et on se fout bien de dépendre des conseils des autres. D'ailleurs, on ne leur en demande pas. Et alors on devient suffisant, on se suffit à soi-même. Eh bien, c'est le péché du démon, c'est le péché originel qui est inscrit en nous, c'est ce péché des hommes du temps de Noé, qui refuse d'entrer dans cette alliance, comme nous l'avons entendu en première lecture. On veut se suffire à nous-mêmes, donc on n'a pas besoin de Dieu ni de personne. Eh bien, je vous propose un second petit test pour vérifier quel est le degré d'autosuffisance ou d'indépendance qui peut régner dans notre vie. Lorsque quelqu'un vient me proposer gratuitement son aide, quel est mon premier mouvement? Est-ce la gratitude? Est-ce la suspicion? Est-ce le refus? Autrement dit, acceptons-nous de nous laisser aider, de dépendre d'autres. Donc, frères et sœurs, deux symptômes de cette maladie de l'orgueil qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, d'être vraiment ce que nous sommes, ce qui est en nous. La clé, évidemment, nous connaissons le remède à l'orgueil, c'est l'humilité. Mais quand on a dit ça, ça nous paraît bien vaste et bien vague. Alors je vous propose un aspect de l'humilité. C'est d'accepter les humiliations. Finalement, les humiliations conduisent à une certaine humilité. Et précisément, celles que l'on n'a pas choisies. On va les appeler les contradictions. En réunion, votre dernier projet sur lequel vous avez passé tant d'heures est en un tour de bras démonté par un collègue. Vous avez la haine, la rage. Ou bien votre enfant qui vient à l'instant d'échapper votre téléphone intelligent dans la cuvette des toilettes. Votre voiture qui lundi matin ne démarre pas. Votre mari qui a la fâcheuse habitude de toujours porter la même guenille de chemise pour aller au travail. Ou ses amis qui ne répondent jamais à vos courriels. Finalement, notre vie, si on y regarde de près, est pleine de contradictions. Eh bien, elles sont bonnes. Elles sont un outil. Elles sont un moyen qui nous est donné de grandir en humilité. Et on n'a pas besoin d'en inventer. Elles nous tombent dessus tous les jours et tout le temps. Alors prenons, frères et sœurs, peut-être cette occasion, saisissons cette occasion des contradictions petites ou grandes de notre vie pour guérir ou pour contrer cet orgueil qui insidieusement nous met toujours à une place qui n'est pas juste. Et c'est bon. C'est bon de nous laisser guérir de notre impatience, guérir de nos énervements, de nous laisser guérir de ce désir de puissance et de maîtrise, de ce désir d'indépendance qui, dans le fond, n'exprime pas notre humanité relationnelle. Demandons, frères et sœurs, cette grâce, cette semaine, d'accueillir toutes ces contradictions et tournons-nous vers la croix. Tournons-nous vers cette croix, vers Jésus qui livre sa vie pour nous, vers Jésus qui accepte l'humiliation profonde de voir son corps blessé, son corps torturé, de voir sa réputation complètement détruite, de se voir insulté, qui accepte l'humiliation de la mort par amour pour nous. Frères et sœurs, dans les petites ou grandes contradictions de nos vies, tournons-nous vers la croix, vers celui qui est la source de l'humilité.